Salon Noir. L'archéologie a longtemps été une science d'amateurs, de passionnés, vivant pour cela. Depuis les années 80, les temps ont bien changé. Désormais sont présents les bénévoles, qui ne vivent pas de cela, mais aussi les professionnels, par essence, rémunérés. Dans cette petite typologie tout archéologique, ce dernier groupe se divise désormais en deux grandes catégories. Les archéologues du service public, ceux de sociétés privées. Parce que toutes les émissions Culture Société de France Culture se consacrent cette semaine à l'entreprise, le Salon Noir a aujourd'hui pour thème « Ma petite entreprise archéologique », bien entendu en référence à ce que l'on dénomme la « cottage industry » en Angleterre. Pour en parler, deux archéologues, Dominique Garcia, Vincent Blouet, bonjour. Bonjour. Archéologue proto-historien Vincent Blouet, vous appartenez au service régional de l'archéologie de la DRAC Lorraine. Vous êtes parallèlement secrétaire national de l'Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires CGT. Dominique Garcia, professeur d'archéologie à l'Université d'Aix-Marseille, président de l'INRAP et ancien président du Conseil National de la Recherche Archéologique, auteur du livre blanc de l'archéologie, une évaluation scientifique, économique et sociale de la discipline. Vous êtes un des fins connaisseur de cette science toute humaine. Dominique Garcia, ma première question pourra paraître curieuse. Quoi qu'il en soit, pourquoi faites-vous de l'archéologie ? Vincent, dans votre introduction, vous avez dit diviser, une archéologie qui divise aujourd'hui. Ben moi, je fais de l'archéologie pour rassembler dans le terme archéologique du terme. Quoi. Je fais une archéologie pour l'homme parce qu'effectivement, aujourd'hui, faire pratiquer l'archéologie, c'est étudier les paysages, les hommes qui ont vécu à différentes périodes dans ces paysages et essayer, à travers de cette étude, de produire des données, un bien commun, que l'on essaie ensuite de partager avec le plus grand nombre. Donc faire de la science, Dominique Garcia. Faire, bien entendu, une science humaine et sociale, et l'assumer en tant que telle. Vincent Blouet, autre position ou la même ? Ah, c'est à peu près la même chose. Pour vos éditeurs, rappelez brièvement ce que c'est qu'une fouille archéologique. Une fouille archéologique, c'est pas dégager des plans de monuments prestigieux pour les présenter aux touristes, ni rechercher des beaux objets pour alimenter les collections des musées. C'est retrouver aux traces d'éléments ténus, témoins de la vie quotidienne, des fragments de poterie, des restes alimentaires, des pollens, reconstituer l'histoire des sociétés qui nous ont précédés. Soit c'est la seule donnée pour les périodes pour lesquelles l'histoire, les textes ne permettent pas de reconstituer l'histoire de ces sociétés, soit pour les périodes historiques, c'est un complément indispensable aujourd'hui pour reconstituer l'histoire autre qu'événementielle. Et dans ce cadre-là, puisque c'est un petit peu le sujet de faire le lien avec la suite de votre... L'archéologie préventive, c'est un élément spécifique de cette discipline, mais qui n'est pas coupé du reste de ce domaine scientifique. L'archéologie préventive, c'est les fouilles archéologiques effectuées sur des sites qui sont menacés de travaux de destruction par des travaux d'aménagement. Et comme tout élément de fouilles archéologiques, il s'agit, pour reprendre une formule célèbre mais qui garde tout son sens, de lire des archives du passé tout en déchirant au fur et à mesure les pages qu'on déchiffre. Et c'est tout l'enjeu des problématiques qui se tournent aujourd'hui autour de l'archéologie préventive, ses évolutions dans les dernières années et la crise qu'elle traverse aujourd'hui. Vincent Blouet, vous écoutez, j'ai le sentiment qu'il faut sortir du site pour faire une archéologie du territoire, des paysages. Quelque chose de plus globalisant. Dans ma spécialité, moi je travaille sur le début de l'agriculture en Europe du Nord-Ouest. La révolution apportée par l'archéologie préventive, c'est l'abondance des données qui a montré que, alors qu'il y a encore 50 ans, on s'intéressait à la typochronologie à travers quelques objets, certains styles de décors céramiques. Ensuite, on s'intéressait aux sites avec les premiers dégagements de plans de maison. Aujourd'hui, on se rend compte, ce qu'on aurait dû présupposer, c'est qu'un site en soi n'existe pas aujourd'hui comme il n'existait pas hier. La compréhension des sociétés du passé nécessite qu'on s'intéresse au réseau des sites, la hiérarchisation des sites, la complémentarité des réseaux commerciaux qui peuvent avoir alimenté tous ces réseaux de sites. C'est ça un des apports les plus importants de l'archéologie préventive dans ces 30 dernières années, c'est qu'elle a permis de sortir de la structure du site de l'objet pour aborder vraiment maintenant des problématiques de géographie humaine, d'économie et d'histoire au sens large de nos sociétés, des sociétés qui nous ont précédés. Il y aurait 30 000 archéologues en Europe, un peu moins de 20% sont français. Ce que le public ne sait absolument pas, c'est qu'en 10 ans, des sociétés d'archéologie ont fleuri aux quatre coins de la France. Que représente aujourd'hui ce secteur privé ? Alors, d'abord pour expliquer encore une fois à vos auditeurs, pendant longtemps, l'archéologie préventive en France, puisque les sociétés privées d'archéologie en France n'interviennent que dans le domaine de l'archéologie préventive, enfin, ou essentiellement dans le domaine de l'archéologie préventive, pendant longtemps, l'archéologie préventive a été dépourvue de toute base réglementaire. C'est après un long combat de plusieurs décennies mené par l'ensemble de la communauté archéologique qu'en 2001, le législateur a doté pour la première fois la France d'une législation et une réglementation dans le domaine de l'archéologie préventive. Or, en 2003, le nouveau pouvoir politique issu des élections de 2002 a immédiatement remis en question cette législation et a introduit une notion nouvelle à l'époque en Europe qui, depuis, a fait un peu tache d'huile, c'est qu'il a considéré que les fouilles archéologiques préventives ne relevaient plus de la seule responsabilité de la puissance publique, mais que c'était les aménageurs qui avaient la responsabilité désormais d'assurer la conduite des opérations de fouilles et de choisir les opérateurs de fouilles sur les sites qui étaient menacés de destruction par leur propre projet d'aménagement. C'est ce qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage, c'est ça ? Alors, c'est très exactement la question de la maîtrise d'ouvrage. Il faut savoir que c'est encore aujourd'hui une forte spécificité française dans l'OCDE. Et il y avait d'ailleurs un rapport émis pour le Land de Bavière qui montrait que c'était une aberration. Puisque par nature, la maîtrise d'ouvrage, c'est quand un aménageur fait une réalisation pour lui-même, et de toute évidence, un aménageur, quand il y a une fouille archéologique qui doit être faite sur son projet d'aménagement, cette fouille n'est pas réalisée pour son propre compte, mais bel et bien ne lui provoque que des désagréments en termes de coûts et de délais notamment. Elle porte des noms latins, Archeodunum, ou rappelle le dieu chtonien accueillant les âmes des morts dans les enfers, Hadès. Qui sont-elles ? Combien d'archéologues les composent ? Ont-ils d'ailleurs les mêmes formations que les autres archéologues ? Dominique Garcia ? Plus largement, pour venir à votre question précédente, aujourd'hui c'est entre 3000 et 4000 archéologues qui interviennent en archéologie préventive, ceux des structures privées que vous évoquez, mais également ceux qui sont rattachés à l'Institut National de Recherche d'Archéologie Préventive, ENEPA, et ceux des collectivités territoriales, donc aujourd'hui, qui participent donc tous dans cet archivage des données archéologiques en suivant l'aménagement du territoire. Donc déjà, c'est des gens qui effectivement, à la base, ont une formation commune, ont un sens de l'éthique, ont un sens de précis et rigoureux dans l'acquisition des données, ont aussi normalement appris à analyser ces données et puis de les mettre en perspective. Et généralement, c'est ce qu'ils font dans le cadre de publications, de conférences, au sein des UMR, les unités mixtes de recherche, qui rassemblent donc les archéologues là aussi en tant que tels. C'est environ quoi, 700 archéologues pour le privé, un peu plus de 2000 pour un établissement public, c'est ça à peu près le paysage? Peut-être 3000 en tout, pour faire un chiffre à peu près rond. Voilà, on va dire 3000 archéologues qui aujourd'hui travaillent sur le terrain et participent à l'aménagement du territoire. Voilà, je voudrais là aussi préciser ce point-là pour nos auditeurs. Ce n'est pas un frein à l'activité économique, mais bien une loi qui permet aujourd'hui de libérer du terrain et donc de le valoriser pour son aménagement, les archéologues recueillant les données et les analysant. L'archéologie a longtemps été un monopole d'État, du service public. Deux lois majeures ont vu le jour, toutes deux très idéologiques. Oui, je pense que la question du monopole qui revient comme un serpent de mer est en fait un faux débat. Je pense que le sujet principal est celui que j'ai essayé de poser tout à l'heure. S'agissant que l'archéologie soit des opérations programmées ou des opérations préventives, d'opérations de recherche destinées à documenter les sociétés qui nous ont précédés, est-ce que l'aménageur qui détruit par le biais de son aménagement, et c'est ni bien ni mal, mais c'est le résultat de son aménagement qui détruit un site archéologique, est le mieux à même pour choisir celui qui va faire cette fouille? La réponse, pour notre part, est bien évidemment non, pour la bonne et simple raison que dans cette opération de fouille archéologique, l'aménageur va rechercher le moins-disant. Le moins-disant du point de vue économique, c'est-à-dire l'opérateur qui lui proposera le moindre coût, ce qui en archéologie, puisqu'on pourrait rentrer dans les détails, mais les coûts unitaires sont à peu près les mêmes pratiqués par tous les opérateurs, mais ce qui veut dire très clairement faire une recherche d'un moindre niveau de qualité. Et donc la première chose que nous, du point de vue de la CGT, on souhaite que soit redébattu et remis en cause, c'est le fait même que ce soit l'aménageur qui choisit l'opérateur qui fait les fouilles archéologiques. Dominique Garcia, deux lois idéologiques? Deux lois idéologiques, oui, effectivement, vu que le débat actuel confronte, mais plus largement, une loi globalement novatrice dans le sens où elle fait appartenir à tous un patrimoine dans lequel elle oblige tous à s'intéresser à ce patrimoine et dans lequel, on pourra le remarquer, aujourd'hui, l'archéologie n'est jamais le prétexte à des affrontements, ça existe dans le domaine de l'environnement, ça existe dans d'autres domaines. Aujourd'hui, quand l'archéologue intervient, quand il assure ses protocoles, quand il fait des choix, quand le contrôle scientifique et technique est réalisé par les services de l'État, il n'y a pas de discussion. C'est-à-dire qu'en fin de compte, presque tout le monde se reconnaît dans cette idéologie, qui est celui qu'on peut recueillir sur un site archéologique l'ensemble des informations, laisser ensuite le terrain aux aménageurs, c'est-à-dire le valoriser. On a levé l'archéologue a levé l'hypothèque archéologique, a recueilli les informations, les restitue à tous. Et c'est sur ce point-là que je voudrais moins insister, montrer que, dire, réaffirmer que l'archéologie, effectivement, est une grande chaîne. On applique des méthodes spécifiques, on recueille les informations, on est ensuite capable de les analyser, et ensuite, il faut être capable de les mettre en perspective et de les diffuser vers un plus grand nombre. Et le danger, à mon avis, je ne sais pas s'il est idéologique ou pas, c'est quand cette chaîne est coupée. C'est-à-dire quand, au départ, les méthodes ne sont pas les bonnes, quand les choix ne sont pas les bons, quand on fait une acquisition des données au rabais, ou que par la suite, après ce qu'on appelle le rapport de fouille, après le compte-rendu, les données ne sont pas exploitées, ne sont pas rendues publiquement. Et donc, ces éléments que je me permettais de préciser, c'est une liste des courses, entre guillemets, qui s'adresse à tous partenaires du public, comme archéologues du privé. C'est notre responsabilité. Nous avons affaire à un bien commun et on se devrait tous d'avoir des méthodologies adaptées à cet exercice périlleux, sensible, qui est celui de récolter ces données par la suite détruites. Avec le privé, nous voici dans un univers de marchandisation du patrimoine, du moins pour beaucoup d'archéologues, tandis que d'autres personnalités s'inquiètent de certaines stratégies particulièrement agressives. Vincent Blouet. Oui, pour faire le lien avec votre précédente question, en 2003, l'idéologie libérale était à son apogée. On n'avait pas encore subi la crise 2003, la crise systémique de 2008, pardon. Et ce qui a prévalu de toute façon très claire dans les choix politiques qui ont été faits à l'époque, c'était dans tous les domaines, et donc y compris dans un domaine aussi improbable que celui de l'archéologie préventive, c'est la loi du marché qui doit réguler l'ensemble des activités de nos sociétés humaines. Le directeur de cabinet de Jean-Jacques Ayagon à l'époque a ensuite été nommé notre directeur de la concurrence par Nicolas Sarkozy, ministre du budget, et depuis est passé directeur de Sotheby's France. Tout ça, ce sont des parcours qui sont assez emblématiques de ce qui sous-tendait cette loi. Et donc, aujourd'hui, le résultat que tout observateur neutre peut observer, c'est qu'il y a une concurrence féroce qui est menée entre les différents opérateurs de l'archéologie préventive, qu'ils soient publics comme l'INRAP ou les services de collectivités territoriales ou qu'ils soient privés, et que cette concurrence féroce pour l'accès au marché, pour le dégagement de bénéfices en ce qui concerne les sociétés privées, provoque ce que dans notre jargon syndical on appelle du dumping scientifique et social, mais qui, dans tous les cas de figure, aboutit à des moindres, des conditions moindres de sauvegarde des données archéologiques. Ça, c'est pour la science et le patrimoine national. Et des conditions dégradées d'emploi pour les archéologues, où qu'ils se trouvent, alors que pour un bon développement de la recherche dans notre pays, il faut qu'il y ait des emplois stables, des équipes stables, pour permettre une pérennité des équipes et des recherches. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. Dominique Garcia, la crise en archéologie est-elle réellement très dure ? Voilà, la crise, elle est dure pour tout le monde, et comme les archéologues qui font de l'archéologie préventive, suivent l'aménagement du territoire, effectivement, aujourd'hui, ils reçoivent ces contre-coups de cette crise. Alors, on pourrait presque s'en satisfaire si on était un peu moins cynique, en se disant que moins d'aménagement du territoire, c'est aussi moins de sites qui sont détruits. Et on rappellera à tous que l'archéologie et les données archéologiques sont des biens qu'on ne peut pas renouveler. Donc, d'où aussi le fait, parce qu'on est quand même pour une amélioration de notre économie, de notre niveau de vie, de notre milieu et donc d'un aménagement du territoire, d'où le fait qu'effectivement, bien non renouvelables, les données archéologiques, on doit les acquérir avec extrêmement de précision. Monsieur Blouet le rappelait tout à l'heure, le contexte de concurrence dans lequel aujourd'hui on vit, il ne faudra pas que ça aille beaucoup plus loin. Il y a aujourd'hui danger. Normalement, il y a un garant, c'est l'État. Récemment encore, le Premier ministre rappelait que l'État était justement le garant de la conciliation des différents intérêts, qu'il est chargé d'évaluer l'impact des projets d'aménagement sur le patrimoine archéologique, de définir les mesures d'archéologie préventive nécessaires, d'exercer le contrôle scientifique et technique de la mise en œuvre de ces mesures, je continue de citer, et d'évaluer les résultats de ces opérations avec le concours d'instances consultative. Donc là, l'État a vraiment un rôle, effectivement, concernant ce bien commun qui est notre patrimoine et notre histoire, un rôle qui est essentiel, et ce rôle, dans cette période de crise, dans une période de manque de moyens, les collègues, effectivement, des services déconcentrés de l'État en ont sans doute un peu moins, et il faudrait affermir leur responsabilité, affermir les moyens dont ils ont pour ensuite assurer ce contrôle scientifique et technique dans l'intérêt de tous. Pour préparer cette émission, j'ai beaucoup lu, notamment la presse, une presse qui en parle, rien que ce week-end, Le Monde et l'Humanité. J'en ai d'ailleurs tiré quelques extraits. Vincent Blouet, vous êtes lancé dans une longue enquête dont, curieusement, justement, la presse n'a pas du tout parlé. Votre but, percevoir les logiques, les mécanismes des entreprises privées ? Alors cette enquête, d'abord, je ne l'ai pas menée tout seul, mais c'est l'ensemble du syndicat de la CGT Culture qui l'a menée, puisque, en fait, comme vous venez de le dire, ce travail n'avait été curieusement pas mené par le ministère de la Culture, qui s'est pourtant doté d'un observatoire de l'archéologie préventive. Les résultats, pour quelqu'un qui, comme moi, ait des responsabilités syndicales au-delà du secteur de l'archéologie, sont pas étonnants. Les mécaniques qui sont à l'œuvre dans le domaine de l'archéologie préventive au travers des sociétés privées, sont celles qui sont à l'œuvre dans le monde économique d'une manière générale. Ce n'est ni bien ni mal, mais l'objet social d'une entreprise privée, c'est de dégager du bénéfice. Et en l'occurrence, ce dont on peut juste être étonné au résultat de notre enquête, dont les résultats n'ont été contredits par personne, tout simplement parce qu'ils sont appuyés sur des documents tout à fait officiels et qu'il suffit de se procurer si on a le souci de les procurer, c'est que pour la quinzaine d'entreprises qui sont détenues par une vingtaine d'actionnaires, en moins de 8 ans, ce sont plus de 10 millions de profits nets qui ont été dégagées. Certaines entreprises, intuité personnée, certains actionnaires ont dégagé plus d'un million d'euros de bénéfices sur une discipline, a priori. Donc ça a beaucoup étonné les archéologues. Les montages juridiques des structures avec la sécurisation des bénéfices dans des sociétés civiles immobilières ou des boîtes financières créées pour l'occasion sont aussi des mécanismes tout à fait légaux, connus dans le reste du monde de l'entreprise, mais qui sont fortement étonnés les archéologues qui vivaient dans leur bulle scientifique depuis fort longtemps. Faudrait donner la date du document, peut-être, non ? Comment ? Il faudrait donner la date. C'est 2012 ou 2013, d'accord, je crois. Mais donc les choses ont dû encore déjà, en plus, sûrement évoluer. Enfin, les évolutions ne sont pas très... Oui. Bon, la concurrence s'est exercée entre entreprises, mais le paysage qui était très étonnant, c'est qu'en fait, on a pu mettre en évidence aussi des ententes entre entreprises, des éléments qui constitueraient normalement des délits dans le monde économique, qui par ailleurs étaient permis, justement, parce que c'était une période faste. Effectivement, avec la concurrence exacerbée, aujourd'hui... Les entreprises se livrent entre elles une concurrence de plus en plus forte, même s'il y a encore du partage de territoire qui correspond à de l'entente qu'on pourrait qualifier d'illicite, et que parallèlement, chose nouvelle, elles sont rentrées en concurrence forcenée avec les services de collectivités territoriales jusqu'à une date assez récente, étaient relativement épargnés. Dominique Garcia, Vincent Blouet, je rappelle pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture que vous êtes tous deux proto-historiens, l'un archéologue dans la Drac-Lorraine, l'autre professeur à l'université d'Aix-Marseille. Vous évoquiez une rentabilité insolente. Faire de l'argent sur le patrimoine peut-il être choquant ? Notre patrimoine national de surcroît, Dominique Garcia ? Choquant, oui, non, bien entendu, dit comme ça, entendu comme ça, et puis répété à la radio, c'est choquant. Mais l'activité d'archéologie préventive est, en sens strict du terme, une activité de valorisation. Moi, je dirais même qu'il y a une double valorisation. L'archéologue, en fouillant un site archéologique qui va être ensuite détruit, valorise le terrain, parce qu'il permet sa construction. Avant la loi de 2001, ces terrains-là pouvaient être gelés si on appliquait strictement la loi de 1941 sur la protection du patrimoine. Donc l'archéologue, en fouillant, valorise, donne une plus-value au site et donc au terrain qui ensuite va être aménagé. Et ensuite, effectivement, cette activité a un coût, ce qui est tout à fait normal, parce que l'ensemble des coûts d'aménagement aujourd'hui, de prise en compte des données environnementales, de données, etc., diverses et variées, ont un coût. Donc effectivement, ça fait une masse. Reste à savoir ensuite si, moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est les méthodologies d'acquisition des données et ensuite la restitution de ces données. Malheureusement, bien souvent, la fouille s'arrête avant le rapport, au moment du rapport de fouille ou juste après, alors que normalement, ces données devraient être mises en perspective d'un point de vue scientifique et restituées à l'ensemble de la communauté scientifique et d'un public extrêmement large. Le secteur marchand, nos petites entreprises archéologiques, seraient-elles réellement moins disantes ? La qualité des fouilles est-elle réellement aujourd'hui en baisse, Dominique Garcia ? Le dire là aussi de cette façon, c'est sans doute être brutal, mais le nier serait là aussi un péché. Donc on va dire qu'effectivement, aujourd'hui, cette situation de crise avec un gendarme qui malheureusement manque de moyens, quand je parle de gendarme, je parle des services de l'État, qu'il faudrait renforcer, à partir du moment où il n'y existe pas dans notre discipline un code de déontologie qui mériterait d'exister, à partir du moment où on ne rappelle pas les valeurs propres de notre discipline, nos engagements, et on note aujourd'hui une baisse, sans doute, des modalités d'acquisition de ces données. Restent les publications, qui sont de fait la finalité de l'archéologue. La qualité scientifique des rapports de fouilles a-t-elle varié ? Certains disent oui, d'autres disent non. Vincent Blouet, vous venez de faire une synthèse sur le néolithique ancien en Lorraine. Une synthèse à trous, paraît-il ? Rapidement. Oui. D'abord sur le sujet précédent. Il faut bien redire que c'est pas la question des archéologues qui travaillent dans les entreprises privées qui est en question. C'est bel et bien la question des propriétaires de ces entreprises. Par exemple, Archéoloir, société qui vient d'être mise en faillite, avait été montée par un patron qui était propriétaire de plusieurs supermarchés qui n'avaient aucun dont l'objet social en archéologie était uniquement de dégager des bénéfices et pas du tout de faire de l'archéologie, ce qui n'était pas le cas de ces archéologues, bien évidemment. Alors, le problème de la concurrence en archéologie préventive aujourd'hui, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le développement des problématiques scientifiques dans ce domaine sont liées à l'étude des réseaux de sites, de la complémentarité entre les sites, des échanges économiques, et que pour cela, ça nécessite dans la durée des équipes pluridisciplinaires et pluri-institutionnelles qui connaissent le terrain, qui pratiquent des méthodes comparables, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, puisque aujourd'hui, le choix des opérateurs étant laissé au pouvoir de l'aménageur, on voit une rotation et un turnover d'équipes extrêmement disparates. Certaines équipes du sud de la France interviennent dans le nord sans connaître rien des problématiques et n'y remettront plus jamais les pieds, ce qui fait que les synthèses sont rendues de plus en plus seront rendues de plus en plus difficiles à l'avenir du fait de ces différences de prise documentaire au moment de la fouille. Le risque du privé, c'est aussi la faillite. Visiblement, certaines sociétés ont coulé, laissant bien sûr les chantiers quelquefois à l'abandon. Mais l'exemple que je viens de donner d'Archéoloire est malheureusement un exemple qui est susceptible de se répéter. Un certain nombre d'entreprises aujourd'hui ne publient pas leurs comptes, ce qui peut laisser craindre qu'elles n'ont pas provisionné à hauteur suffisante les moyens financiers nécessaires pour assurer les rapports de fouilles et l'exploitation des données de ces opérations de terrain. Dans le même temps, la plupart des propriétaires de ces entreprises ont créé des structures permettant de sécuriser leur capital, ce qui laisse craindre que l'entreprise productrice, l'entreprise archéologique elle-même, ne soit pas leur principal souci, puisque, semble-t-il, leur principal souci, c'est de sécuriser les bénéfices. Le ministère de la Culture affirme régulièrement son droit régalien. En effet, la réglementation de l'archéologie lui incombe. La commission du Livre blanc signalait, voici peu, la faiblesse du contrôle scientifique lors de l'attribution des agréments. Un grand quotidien parlait aussi de laxisme. Que se passe-t-il ? Alors, ne parlons pas du grand quotidien ou de ce qu'il en reste. Parlons effectivement de ce contrôle scientifique et technique qui est indispensable pour tous et que tous les archéologues sont prêts à accepter en tant que tel. Quant aux agréments, ils le sont donnés actuellement après une discussion qui est extrêmement riche et de manière extrêmement démocratique, les propositions sont données pour que des sociétés aient cet agrément. Plus largement, je crois qu'effectivement, aujourd'hui, l'ancienne ministre de la Culture, et en cela, elle est aujourd'hui suivie, avait fait la proposition le 18 avril dernier de pouvoir éventuellement enlever l'agrément à une société en cours d'opération, c'est-à-dire si effectivement il y avait un manquement, là aussi, à la pratique archéologique. Ça me semblera un outil simple à mettre en œuvre, relativement simple à mettre en œuvre, et en tout cas relativement efficace en tant que tel. On doit avoir un haut niveau d'exigence lorsqu'on fait de l'archéologie. On ne peut pas prendre aujourd'hui le risque d'effacer le passé, d'effacer et de les repères patrimoniaux, de distendre le lien social dont on sait aujourd'hui toute la valeur et dont on perçoit aujourd'hui toute la valeur. Martine Faure, députée de Gironde, vient d'être chargée d'une nouvelle étude. L'archéologie est-elle réellement intégrée dans le paysage français ? Pas si sûr que cela, à voir les 40-60 rapports qui se succèdent. On la retrouve même aujourd'hui dans la loi Macron, en quelques secondes. Oui, enfin sur le point précédent, j'ai un petit désaccord avec Dominique Garcia. Il y a aujourd'hui dans les services régionaux de l'archéologie moins d'un archéologue par département pour effectuer le contrôle, et en archéologie le contrôle est tout simplement impossible puisque une fois qu'un site est détruit, on ne peut plus le reconstruire. Donc l'enjeu pour nous de la réforme à venir, c'est de revenir sur la maîtrise d'ouvrage confiée aujourd'hui aux aménageurs, puisque seul le service public peut être garant de la réalisation de fouilles archéologiques préventives dans de bonnes conditions. Vincent Blouet, Dominique Garcia, merci beaucoup. Merci beaucoup. La semaine prochaine, nous évoquerons avec Yann Le Boeck l'œuvre et le personnage de César. Partenaire du Salon Noir, le magazine Archéologia consacre son dernier numéro au musée des Confluences à Lyon, à la cité d'Aix-Antique, que vous connaissez bien, Dominique Garcia, aux terres cuites gallo-romaines, mais aussi à l'Acheuléen, en Europe, à lire donc dans le magazine Archéologia. Le Salon Noir était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Pierrick Monsigny, attaché à l'émission Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr.